soir, émission Le Zinc consacrée à la musique française. Et on commence avec A. C'est un peu une déclaration que je te fais, car il est temps, je crois, yadada, da, quand certains rêvent de nation, de football ou de vrai combat, yadada, yadada. Moi, c'est vers toi que je tends les bras quand ça ne va pas, ma cervelle et mes sentiments, je te les donne, ils sont pour toi. Le reste, on en reparlera. Le reste, on en reparlera. On en reparlera. Pour vivre avec toi, yada. Tu es mon chez-moi, yada. Mon premier et mon second choix, yada. Mon rêve d'absolu qui ne taille pas. Pour vivre avec toi, yada. Tu es mon chez-moi, yada. Mon premier et mon second choix. Celui qui ne t'arrive pas. Je te dois mes premiers frissons et mes premiers coups sur les doigts. Mais pour un mot, une chanson, j'aurais donné n'importe quoi. Malgré tous mes démons, les menottes que j'ai au bras, si je te quitte pour de bon, le lendemain, je cours vers toi. Le reste, on en reparlera. Le reste, on en reparlera. Le reste, on en reparlera. Pour vivre avec toi, yada. Tu es mon chez-moi, yada. Mon premier et mon second choix, yada. Mon rêve absolu qui ne taille pas. C'est un peu une déclaration, même si je sais que tu n'es pas le remède ni la solution, tu n'es qu'une attelle à mon bras. Ce petit rien qui nous lie aux autres quand ça ne va pas, un ultime langage de survie qui remet le monde à l'endroit. Le reste, on en reparlera. Avec toi, yada. Tu es mon chez-moi, yada. Mon premier et mon second choix, yada, da, da, da, da. Mon rêve absolu qui ne t'arrive pas, da, da. Pour vivre avec toi, yada. Tu es mon chez-moi, yada. Mon premier et mon second choix, yada, da, da, da, da. Mon rêve absolu qui ne t'arrive pas. Yeah, da da da. Jules 5 pour introniser notre nouvelle émission consacrée à la scène française. Tous les premiers lundis du mois sur RVR, le Zinc vous promènera dans la musique des Têtes-Raides, Tite Nacelle et autres blaireaux de Ravel. Mais pour bien arrimer notre barque musicale, on va lever l'ancre avec un deuxième morceau de Debout sur le Zinc. Elle. Elle a la sensibilité tenue à vif. Pas de doute, la barre est haute, mais pas le choix, jamais dire. Jamais elle. À la conscience aiguisée, à la source de tout acte, elle remonte avec ou sans tact, isole le sens, en extrait l'essentiel. Elle a la douleur érigée en étendard tenu correct et exigé. Fais gaffe, faut pas déconner avec tout et n'importe quoi, c'est pigé. Elle monte à l'assaut dans tous les sens du terme, et si douce à l'épiderme, bah les pas si tu penses en termes de sexe faible ou fort, encore un effort. Elle a des idéaux vertigines, des montagnes d'envie, des tas d'idées pour améliorer la vie, parce qu'à part elle, personne n'y pense. Elle a des idéaux vertigines, et moi ça m'éblouit. Je kiffe cet appétit imparable, insatiable, inaltérable. Elle part à la recherche de son identité, dans les bas-fonds là où ses sœurs sommeillent. Un sommeil long, de tant de vies effacées, consentantes et forcées. Elle, de l'admettre, forcée de reconnaître en certains le talent certain de séparer les ailes des îles. Par la force et le poids de leur attribut viril, versé dans l'art et la manière de formuler tout ce qui touche les tabous accumulés, les non-dits en vigueur, principe caché de l'aigreur. Elle ne se fait pas que des amis, car ainsi va la vie. Elle aime alors, dans son malheur trouvé, quand tout est vain, tout semble arrêter, le réconfort de l'âme sœur à mes côtés, de l'âme sœur à mes côtés. Elle a des idéaux vertigines, des montagnes d'envie, des tas d'idées pour améliorer la vie, parce que par elle, personne n'y pense. Elle a des idéaux vertigines, et moi ça m'éblouit. Je kiffe cet appétit imparable, insatiable, inaltérable. La sensibilité tenue à vif, pas de doute, la barre est haute, mais pas le choix, jamais dire. Jamais elle a la conscience aiguisée, à la source de tout acte, elle remonte avec ou sans tact, isole le sens, en extrait l'essentiel. Elle a la douleur érigée en étendard tenu correct et exigé. Fais gaffe, faut pas déconner avec tout et n'importe quoi, c'est figé. Elle marche sur la terre, marche à la recherche de la pierre à lancer, franchit les obstacles à cloche-pied en attendant qu'il lui pousse des ailes pour aller toucher le ciel. Elle a des idéaux vertigines, des montagnes d'envie, des tas d'idées pour améliorer la vie, parce que par elle, personne n'y pense. Elle a des idéaux vertigines, et moi ça m'éblouit. Je kiffe cet appétit imparable, insatiable, inaltérable. Elle a des idéaux vertigines. Je prends le moins d'affaires possible, juste une tenue d'air qui me va à ravir. Je ne suis pas moussaillon, je suis capitaine du navire. Sur les flots de mon crachoir, évitant les icebergs hollywoodiens, reviennent à ma mémoire des lieux que j'ai rêvés en vain, des palais, des prairies que je sculpte au hasard. J'ai pas le mal du pays, je suis tout seul dans ma baignoire. Cafetière à portée de main, cette fois au moins je suis préparé. Même contre les requins, j'ai une fourchette sous ma bouée. Faut que je fasse tout seul, puis puisqu'il n'y a pas d'équipage. Ne je ferai pas le bégueule si tu veux retirer ton corps sale et naviguer à mes côtés sur un océan déchaîné. Et la flotte va déborder, mais je m'agite déconcentré. Mon canard c'est moi, mon cerveau est congé. Aucun échappatoire, je suis tout seul. Acronyme de renouveau artistique volontairement élaboré par des losers. Je les ai vus tellement souvent en concert que je peux vous confirmer qu'ils sont tous sauf des losers. Surtout quand ils sont dans les gares. Dans les gares, moi ce que j'aime, c'est voir partir les gens, me dire que là-bas hors de la plaine, ils s'en vont cueillir le beau temps, mais jamais ils ne le ramènent. Sur les quais grisonnants où les passants au teint blême semblent chercher l'escalier roulant dans les gares. Moi ce que j'aime, c'est perdre mon temps entre sandwich et café crème et une clope ou deux de temps en temps, faire semblant d'écrire un poème pour draguer l'hôtesse même si c'est navrant. Et imaginez des je t'aime dans les regards qui se posent en coup de vent dans les gares. Ouais, dans les gares, pardon madame, excusez-moi. Non, pardon. Non, je vais m'asseoir là, excusez-moi. Ouais, un café crème. Un jambon là. Merci. Pardon. Ouais, si vous êtes possible. Non. Dans les gares, moi ce que j'aime, c'est l'idée de foutre le camp sans bagages, sans pull et sans peigne, sans destination finalement. Et même je pense que ça vaut la peine de prévenir personne en partant, histoire de garder pour sa cervelle sa liberté de temps en temps. Un autre jour. Non, j'attends. Vous finissez votre service. Non, je suis là. Vous pourrez aller au cinéma, par exemple. Non. Bien vous, chiant intellectuel, qui parle en maîtresse. Ça vous ferait plus de plaisir. Et tout au fond de la gare, sur le quai, en folie, j'ai entendu quelques fous furieux dans une lumière scintillante qui dansaient, qui chantaient des onomatopées gracieuses. Une caravane, un palace, c'était Caravan Palace. caravane qui t'emmène, le swing est sur les bords de Seine. La caravane qui t'emmène de l'enfer au paradis. La caravane qui t'emmène, le swing est sur les bords de Seine. La caravane qui t'emmène de l'enfer au paradis. La caravane qui t'emmène, le swing est sur les bords de Seine. La caravane qui t'emmène de l'enfer au paradis. La caravane qui t'emmène, le swing est sur les bords de Seine. La caravane qui t'emmène de l'enfer au paradis. Caravane, quand la soirée a commencé à se calmer, j'ai cherché, j'ai gratté, et j'ai retrouvé un vieux disque du dénommé San Severino. C'était l'album Le Tango des gens. Alors je me suis calé dans les coussins épais pour écouter Les Embouteillages. Écoutez la petite guitare. On est un peu jaloux qu'ils arrivent avant nous, mais on les laisse passer dans les embouteillages quand les motards te font merci avec les pieds, merci avec les pieds. Ce ne sont pas des êtres humains, mais une espèce de martien terrien. Ils ne connaissent pas la langue des mains. Ils vont les voir foncer libre comme l'air, heureux comme des goélands. Ils ont l'air épanouis, un casque sur la tête et à leurs mains des gants. Ils font tous sur leur moto, mais la seule chose qu'ils ne pourront pas, c'est dormir en roulant, sinon le drap s'envolera, tu comprends? Dans les embouteillages, tu penses autant qu'au temps où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Les arles à crédit, les japonaises débridées passent entre les camions citernés, les 4L de pompiers. Les filles sont en voiture, contrairement aux motards qui sont en moto. Bien qu'il y ait des filles en moto, mais sous leur cuir on ne les voit pas bien, on ne voit pas leurs seins. Surtout que sous un casque on peut pas deviner si c'est un vieux hippie, un vieux skinhead ou une pure beauté. Si par hasard dans un embouteillage tu croises la femme de ta vie, mais assis à côté d'elle il y a déjà un petit mari barbu mais gentil. Remballe ton sourire de veau, tourne la tête pour ne pas avoir l'air idiot, et fais semblant de réparer ta radio, de redresser ton rétro. Remballe ton sourire de veau, tourne la tête pour ne pas avoir l'air idiot, et fais semblant de réparer ta radio, de redresser ton rétro. Alright. Dans les embouteillages, tu penses autant qu'au temps où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Les arts, les accrédits, les japonaises débridées passent entre les camions citernés, les 4L. Dans les embouteillages, tu penses autant qu'au temps où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Les arles à crédit, les japonaises débridées passent entre les camions citernes et les 4L de pompiers, virgule. Quand les filles se maquillent dans les rétroviseurs, moi j'ai même pas peur qu'elles oublient de freiner. Les routiers du haut de leur cabine les traitent de femmes au volant, mais en secret ils aimeraient bien les emmener. Amoureux des sirènes, les ambulanciers sont les marins des départementales. Salauds de séducteurs, ils ont une infirmière dans chaque hôpital. Ils collectionnent les filles, ils multiplient les aventures, et leur spécialité, c'est l'amour en voiture. Sais-tu qu'il y a des infirmiers qui soignent les blessés en leur mettant des disques et des cassettes, la musicothérapie au service de la fracture ouverte. Pour un lumbago, Nougaro ou alors Django, une jambe cassée, ACDC, et c'est soigné. Dans les embouteillages, tu penses autant qu'au temps où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Les arles à crédit, les japonaises débridées passent entre les camions citernes et les 4L. Dans les embouteillages, tu penses autant qu'au temps où tu n'auras plus d'ongles et où tu te mangeras les dents. Les arles à crédit, les japonaises débridées passent entre les camions citernes et les 4L. De pompiers. Ça change et ça devient un coup sur deux, vif ou carmin, soit vermillon, soit coquelicot, effrayant ou abricot. Le rouge n'est pas tout le temps le sang, le rouge du piment. Sucre d'orge roux, ocre et sucré, apaisant et enivrant. Choisis ce rouge-là ou celui-là, ce rouge-là ou celui-là, ce rouge-là ou celui-là. Le sang coule dans le sable et disparaît quand le pays bleu blanc rouge éteint sa télé. On oublie sa couleur marron foncé qu'il laisse à tout jamais. Choisis le rouge que tu préfères, rouge de couleur ou de colère, Soutine, Matisse ou bien Gauguin, Hitler, Mussolini, Pétain. Choisis ce rouge-là ou celui-là, ce rouge-là ou celui-là, ce rouge-là ou celui-là. Choisis ce rouge-là ou celui-là, ce rouge-là ou celui-là, ce rouge-là ou celui-là. Personne ne bouge dans un ciel bleu comme la mer rouge. Il fait trop chaud, on ne peut pas bouger, ni parler, ni penser, ni parler, ni penser, ni parler. Severino mélange les couleurs musicales des guitares manouches au rythme klezmer. Dans tous les cas, on se trouve au fin fond d'un bar enfumé, et dans ce cas, il y a de fortes chances qu'on rencontre mes potes de Carpath. Choupa la fine bouche, ici c'est pas la tour d'argent. On y boit la louche, du jaja décapant. À l'entrée de la cuisine, y a du scotch autocollant, où les mouches s'agglutinent, et moi ça me fait marrer. De parer dans quel plat, la prochaine va tomber moi. Si j'étais une mouche, j'irais droit dans le décolleté de la serveuse. Car je suis une mouche, j'aime le jazz manouche, et le bon vin. Presque invisible au ventre des braves gens, assommé par le bruit, y'a un guitariste gitan qui enchaîne impassible devant les mouches et les clients. Il joue toujours du Django en lorgnant la pendule. Putain, qu'est-ce qu'il est beau et pourquoi personne le calcule. Il est dans son solo seul au monde et moi je mate la serveuse. Car je suis une mouche, j'aime le jazz manouche et le bon vin. Je bois, je je bois des coups au comptoir du bistrot. Je fais attention aux mouches, un œil sur le verre, l'autre sur Mado. Parce que je l'avais pas dit, mais la serveuse s'appelle Mado. Et je suis amoureux d'elle, mais elle, elle aime le guitariste. Facile de faire le beau, de slash jouer rêveur et l'artiste. Si j'étais le roi des mouches, je t'en poserais une sur le bout du nez. Puis on verrait si c'est facile d'avoir toujours l'air inspiré avec une grosse mouche toute brillante collée sur ton tarin. Mais je suis pas le roi des mouches, alors je picole. Je dis rien. Ouais, vas-y. Jamais le comptoir bouge alors, on sera les marins. Parti voguer pour 4 sous, parti pour un peu de vinasse, parti trinquer à la santé des filles qui nous font du bien. Ce soir on sort en pleine mer, ce soir on chante sous la lune. Ce soir je vais gueuler mes verres avec mes copains de fortune. Ce soir on sort en pleine mer, ce soir on chante sous la lune. Ce soir je vais gueuler mes verres avec mes copains de fortune. On suit les étoiles, on suit le soleil, on suit les mares et les marins, leurs femmes au port et leurs chagrins. On suit les étoiles, on suit le soleil, on suit les mares et les marins, leurs femmes au port et leurs chagrins. Ce soir on sort en pleine mer, ce soir c'est l'arche de Noé. Tout le monde a un verre à la main et une fille dans les bras. Vas-y patron, baisse la lumière, on a besoin d'intimité. C'est un rendez-vous amoureux, un tête-à-tête, une première fois. Ce soir on sort en pleine mer, ce soir on chante sous la lune. Ce soir je vais gueuler mes verres avec mes copains de fortune. Ce soir on sort en pleine mer, ce soir on chante sous la lune. Ce soir je vais gueuler mes verres avec mes copains de fortune. On suit les étoiles, on suit le soleil, on suit les mâles et les marins, leurs femmes au port et leurs chagrins. On suit les étoiles, on suit le soleil, on suit les mâles et les marins, leurs femmes au port et leurs chagrins. Plein de chansons farcies de mots, ça m'occupe au lieu de picoler, de les jouer. À la cantonade, allez tout le monde sous le pont, les hommes, les femmes et les poivrons. Ça va être à vous de chanter le refrain, debout sur les tables. Ce soir on sort en pleine mer, ce soir on chante sous la lune. Ce soir je vais gueuler mes verres avec mes copains de fortune. Ce soir on sort en pleine mer, ce soir on chante sous la lune. Ce soir je vais gueuler mes verres avec mes copains de fortune. On suit les étoiles, on suit le soleil, on suit les mâles et les marins, leurs femmes au bord et leurs chagrins. On suit les étoiles, on suit le soleil, on suit les mâles et les marins, leurs femmes au bord et leurs chagrins. Des odeurs de marais, des histoires de marins, de la Bretagne, on va passer à l'affaire, au bal de Montfaucon, petite bourgade rurale de la Haute-Loire, patrie du seul boys band auvergnat, les Ourilles. La Zanetta, allez à la feira. La feira, Montfaucon. La Zanetta. La feira, Montfaucon. La zanetta lì alla fera. zanetza tsuteanan. La zanetza tsuteanan. À peu près. Tout

Après un voyage en Clo-Clo-Chadzia, monde imaginaire de l'intrigant Nosfell, je vous propose un retour auprès d'un artiste que je n'aurais jamais imaginé aimer. Jusqu'au jour où je l'ai vu sur scène, on écoute Amor Fati de Yves Jamais. Y a pas de mal, pas de bien, que coule la morale comme du mauvais vin. Y a pas de peau, pas de lait, rien à sacraliser désormais. Nous sommes nés du hasard sous un ciel accident. Nous n'avons pour devoir que devenir vivants dans l'innocence de nos vies. Mais juste toi contre moi et ce qu'on va devenir. Toi contre moi et Amor Fati. Amor Fati. Y'a pas de dieu, y'a pas de diable, ni démiurge inutile ou solvable. Y'a pas d'arrière-monde, pas de compte grimé. Y'a pas de raison, ni de finalité. Y'a pas de problème, cherche pas de solution. Y'a que des anathèmes et des superstitions et l'innocence de nos vies. Mais juste toi contre moi et ce qu'on va devenir. Toi contre moi et Amor Fati. Amor Fati. Y'a bien ta peau, y'a bien tes mains. La vie qui éclabousse, tes fous rires carmin. Reste encore, il faut t'oublier. On porte sur nos vies les haillons du passé. Je veux voir dans tes yeux jusqu'à n'en plus finir. Et enfin, enfin, devenir l'innocence de la vie. Mais juste toi contre moi et ce qu'on va devenir. Toi contre moi et Amor Fati. Juste toi contre moi et ce qu'on va devenir. Toi contre moi et Amor Fati. Amor Fati. Y'a pas de beau, pas de laid, pas de faux, pas de vrai. Y'a pas non plus de fatalité, ni de dessin prédessiné. Qu'on soit heureux ou malheureux, on est juste nous deux et Amor Fati. On est juste nous deux et Amor Fati. On est juste nous deux et Amor Fati. On est juste nous deux. Fais-tu passer, chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Moi qui n'avais rien demandé, oh, chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Mais par où me fais-tu passer, chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Moi qui n'avais rien demandé, comme s'il fallait tout oublier. À chaque fois que tout s'effondre, comme s'il fallait recommencer. Et surtout ne jamais confondre son présent avec son passé. Et puis courir jusqu'à la tombe, en faisant semblant qu'on est pressé. En slalom entre les bombes, celle qu'on a soi-même placée. Celle des autres, celle du monde, qui finiront par exploser. Ça n'est qu'une question de secondes, et donc dans lequel on est placé. Hein, chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Mais par où me fais-tu passer, chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Moi qui n'avais rien demandé, hein, chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Mais par où me fais-tu passer, chienne de vie, chienne de vie, chienne de vie. Moi qui n'avais rien demandé.

un ange défoncé qui, à cause du picon bière, ne saurait plus voler. Non, Sarah n'est pas belle, elle est même pas cruelle, mais au royaume des chiens, Sarah c'est une reine. Elle tourne et tourne encore, n'en finit pas de tourner, sur des musiques crachées par un poste fatigué, sur des diamants diablés, elle les fait tous baver, et c'est son corps cassé qui guérit des regrets. Puis dans ce petit monde, quand je sais pas où aller, que le cœur à la dérive, j'ai personne à aimer. C'est toujours comme ça, au milieu des paumés, surtout avec Sarah, que je vais voyager. C'est comme ça, la vie comme t'en as pas. C'est comme ça. C'est comme ça, la vie comme t'en as pas. C'est comme ça. C'est comme ça, la vie comme t'en as pas. C'est comme ça. C'est comme ça, la vie quand t'en as pas. C'est comme ça. C'est comme ça, la vie quand t'en as pas. C'est comme ça.